Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les amène, mon amour. Le soir tombé, on voit flotter des pétales de rose. Mon amour, et les murs se gercent, mon amour, au soleil, au vent, à l'averse et aux années qui vont passant, depuis le matin de mai qu'ils sont venus, et qu'en chantant soudain ils ont écrit sur les murs du bout de leurs fusils de bien étranges choses. Mon amour, sur le mur et enlace, mon amour, leur nom gravé et chaque été d'un beau rouge sont les roses, mon amour. Sèche les fontaines, mon amour, au soleil, au vent de la plaine et aux années qui vont passant, depuis le matin de mai qu'ils sont venus, la fleur au cœur, les pieds nus, le pas lent et les yeux éclairés d'un étrange sourire. De sang, ce ne sont que des